a certainement appris à l'école que la matière avait trois états, les gaz qui se condensent en liquide, qui se cristallisent en solide. Mais comme souvent, l'école ne vous dit pas tout, car la matière a un quatrième état, qui est même un premier état, si l'on considère que c'est l'état de 99% de l'univers connu, identifié et décrit au début du XXe siècle. Le plasma est l'état dans lequel passe un gaz lorsqu'il est soumis à une forte énergie qui va arracher les électrons aux atomes et devenir de facto un milieu ionisé, et donc conducteur d'électricité et sensible aux champs magnétiques. Ses propriétés sont à l'origine de multiples applications industrielles. Plasma, le quatrième état, c'est moi, c'est le programme chargé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout connaître sur les plasmas industriels, naturels, froids ou chauds et comprendre où en est la recherche fondamentale, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lina Hadid. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse CNRS au laboratoire de la physique des plasmas de Sorbonne Université, de l'Institut Polytechnique de Paris et de Paris-Saclay. Et Jérôme Pulpitel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en génie des procédés au laboratoire LISE à Sorbonne Université et au CNRS. Mais on commence par celle qui met l'actualité scientifique chaque jour dans tous ses états. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, une prépublication parue sur le site BioArchive, il y aurait un potentiel risque zoonotique chez de nouveaux coronavirus de chauve-souris. Une équipe chinoise a étudié des virus de chauve-souris découverts il y a 10 ans, le NeoCov et le PDF 2180-Cov, des cousins du MERS-Cov et qui partagent environ 85% de son génome. Alors, le MERS-Cov est un virus avec un taux de létalité élevé, mais qui, heureusement, est peu contagieux. On est très loin du SARS-CoV-2. Les chercheurs ont regardé quels étaient les récepteurs de ces virus. Les récepteurs, ce sont les clés d'entrée d'un virus dans une cellule. Pour le SARS-CoV-2, par exemple, c'est la fameuse protéine ACE2. C'est sur cette protéine que le virus va s'accrocher. Alors, ce n'est qu'un préprint qui doit encore être validé par les pairs, mais selon cette analyse préliminaire, le NeoCov et le PDF 2180-Cov peuvent reconnaître la molécule ACE2 de chauve-souris, mais pas la molécule humaine. La crainte, c'est que ces virus, qui pour l'instant ne sont pas capables d'infecter l'être humain, évoluent. Yves Godin est virologue au CNRS et directeur de recherche à l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Paris-Saclay. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, chez MERS-CoV, le récepteur, c'est une protéine qui s'appelle DPP4. Et en fait, quand on regarde la spike du MERS-CoV et qu'on regarde le domaine qui interagit avec le récepteur, on voit, on peut regarder ça à partir des séquences des protéines, on voit qu'en fait, la spike du MERS-CoV est très différente dans cette région de la spike du NeoCov et de PDF 2180. Et en fait, on constate que NeoCov et PDF 2180, à la différence du MERS-CoV, mais comme le SARS-CoV-2, sont capables de reconnaître la protéine ACE2. Donc là, c'est assez surprenant, ce sont des virus assez proches qui reconnaissent des récepteurs différents. Alors l'inquiétude, en fait, c'est que finalement, donc dans cette famille, les virus reconnaissent ACE2 et il y a des gens qui pensent que peut-être la reconnaissance d'ACE2, en fait, c'est un des éléments qui permet la très grande contagiosité du SARS-CoV-2. Donc vous voyez, NeoCov et PDF 2180 reconnaissent la protéine ACE2 de la chauve-souris. Mais ce que montrent aussi les auteurs, c'est qu'avec quelques mutations dans cette fameuse protéine spike, eh bien, la spike de NeoCov et PDF 2180 pourrait peut-être être en mesure de reconnaître la protéine ACE2 humaine. Et donc, à ce moment-là, on aurait un virus qui franchirait la barrière d'espèce et qui pourrait passer éventuellement chez l'homme. Les gens ont déterminé la structure de la protéine associée à son récepteur. Comme ça, on voit comment les deux entités interagissent, hein, la spike d'un côté et le récepteur de l'autre. Et ce qu'ils ont vu, c'est que très probablement, avec peu de mutations, la nature serait capable d'engendrer un virus, finalement, qui serait potentiellement infectieux chez l'homme. Ce qui montre bien qu'il faut continuer à surveiller les coronavirus. Ça renforce l'idée qu'on peut avoir des phénomènes d'émergence très naturels. Il n'y a pas beaucoup de changements à faire pour qu'encore une fois ce virus soit capable éventuellement d'infecter l'homme. Donc il est important de surveiller ces virus. et pour tout savoir en avant-première sur la prochaine pandémie mondiale qui va nous paralyser pendant 2 ans. Non, évidemment, tout cela est à prendre avec beaucoup de conditionnels. Ce sont des préprints. Ça demande à être confirmé. Néanmoins, vous pouvez tout lire par vous-même puisque nous postons comme chaque jour les liens sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon un rapport de l'ICNM, l'International Center on Nurse Migration, et de l'ICN, le Conseil international des infirmières, nous faisons face à une grave pénurie mondiale d'infirmiers. Et on estime qu'il manquait déjà près de 6 millions d'infirmiers et d'infirmières avant la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire mondiale a d'une part accru le besoin immédiat de personnel soignant partout dans le monde, et d'autre part, elle a également accentué la pression sur eux. Ce rapport suggère qu'au cours de la prochaine décennie, il faudrait 13 millions d'infirmiers supplémentaires, soit la moitié des effectifs actuels qui ne comptent que 28 millions de personnes. Face à une main-d'œuvre déjà affaiblie, ce rapport appelle les dirigeants à monter en urgence un plan d'action afin de soutenir et de renforcer les infirmières et les personnels de santé. Selon une autre étude parue cette fois-ci dans la revue The New Phytologist, nous avons sous-estimé le rôle des algues dans le cycle global du carbone. Une équipe du CNRS s'est intéressée aux algues microscopiques du sol, les procaryotes, photoautotrophes et les microcaryotes. Alors comme les plantes, elles fixent le carbone atmosphérique par la photosynthèse pour leur propre croissance. Il se trouve que ces micro-organismes tiennent un rôle majeur dans le cycle biochimique mondial. Par machine learning, les chercheurs ont découvert qu'il y aurait environ 5 millions d'algues du sol par gramme de sol et qu'elles stockent environ 3,6 gigatonnes de carbone par an. Cela représente environ 30% des émissions de CO2 anthropiques. Selon les auteurs, les algues du sol devraient être intégrées dans les efforts terrestres pour atténuer les émissions de CO2. Ça tombe fort bien puisque nous reviendrons dans une émission complète sur les algues un très prochain lundi. Et pour finir, Natacha, une étude parue dans PNAS a évalué le nombre d'espèces d'arbres sur Terre. Il y en aurait beaucoup plus que nous le pensions. Une équipe internationale s'est appuyée sur une base de données mondiale sur les espèces d'arbres, combinées avec d'autres données sur la localisation des arbres. Alors selon leur déduction, il y aurait sur notre planète 3000 milliards d'arbres qui appartiennent à environ 73 300 espèces, dont 9200 que nous n'avons pas encore découvertes. Des espèces rares, dans des régions connues pour avoir une grande biodiversité, mais où les études de terrain sont rares, en Amazonie brésilienne par exemple. Mais les auteurs rappellent qu'avec la déforestation en cours, ces espèces risquent de disparaître avant même qu'elles ne soient découvertes. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Il y a donc, en plus des 3 états connus de la matière, un 4e état, a priori assez peu courant sur notre planète et pourtant majoritaire à l'échelle de l'univers, le plasma. Gaz ionisé, donc conducteur de courant électrique sensible à l'électromagnétisme. Le plasma est bien distinct du gaz en ce sens que ses caractéristiques intrinsèques font qu'il se conduit différemment, qu'il est régi par d'autres lois que celles qui régissent les gaz. Le plasma est encore au centre de nombreuses recherches fondamentales, à tel point que 2 études importantes viennent d'être publiées dans la 2e quinzaine de janvier, une sur la fusion inertielle ainsi qu'une sur une mystérieuse particule, la particule X, qui aurait été détectée dans un plasma de quark gluon. Tout ça a l'air bien compliqué maintenant, mais nous y reviendrons et vous allez voir que ce sera absolument limpide pour l'heure. Et pour commencer, je vous propose d'écouter la définition qui est donnée du plasma. C'est à l'occasion d'un congrès portant, et bien sûr, le plasma. Et nous sommes en 1963. Si nous avons bien compris, l'objet de ce congrès, c'est le fameux 4e état de la matière, le plasma. La matière est ionisée quand les atomes ont perdu une partie de leurs électrons. Jacques Bergier nous dit que ce 4e état, on peut en avoir une idée en jetant tout simplement du sel dans la flamme d'une bougie. La chaleur est suffisante pour arracher des électrons au sodium, la flamme contient des molécules ionisées et des électrons libres. Voilà donc un plasma à la portée de tous. Le professeur Laporte nous disait tout à l'heure que cela intéressait la radio. C'est qu'en effet, il existe autour de la Terre une ceinture de plasma qui réfléchit les ondes hertziennes, les ondes radio, et les ramène constamment vers notre planète, ce qui permet les communications à longue distance. Tout cela, bien sûr, dit en gros, sommairement dit, très sommairement. C'est aussi ce plasma, l'énergie de l'avenir. On a déjà obtenu certains résultats infimes, il faut dire, et on est loin du compte. C'est le problème de la fusion contrôlée, la fusion des noyaux légers. Pour obtenir la fusion de ces noyaux, il faut porter de l'hydrogène lourd à des températures de l'ordre de 100 millions de degrés. Et il faut maintenir cette température pendant plusieurs secondes. Jusqu'ici, on est parvenu seulement, si l'on peut dire, à des températures de l'ordre de 20 à 30 millions de degrés au lieu de 100 millions et pendant 1 millième de seconde au lieu de plusieurs secondes. Vous voyez, comme je vous le disais, qu'il faut d'abord résoudre des problèmes préliminaires fondamentaux avant de pouvoir réaliser cette fusion des noyaux. Voilà, nous sommes en 1963. Évidemment, la science a progressé depuis. Votre regard, ou votre écoute plutôt, sur cette archive, Lina Hadid. Oui, en fait, je suis d'accord. Le plasma, c'est une matière très importante. Et comme vous l'avez dit au début, c'est pas en fait la quatrième état de la matière, c'est le premier état de la matière. Parce que on va parler de ça après. Ça constitue l'essentiel de la matière de l'univers et en moins sur Terre. Mais on va voir les applications et pourquoi c'est une matière très importante. On va évidemment voir ça tout au long de cette heure. Jérôme Pulpitel, une réaction à cette définition. On voit que dès le départ, on parle de plein de choses distinctes. On parle de fusion, hein, puisqu'il est déjà encore question d'allumer un plasma à 20 millions de degrés pendant une milliseconde. Aujourd'hui, on est beaucoup plus loin, et du plasma plus facile à voir que l'on a, par exemple, en mettant du sel sur la flamme d'une bougie. Les plasmas, c'est un vaste sujet. Effectivement, la fusion thermonucléaire, c'est un sujet d'actualité. C'est très important. Mais au quotidien, on utilise des plasmas pour des applications beaucoup plus courantes, hein, et ça fonctionne très bien. Donc c'est effectivement très médiatique, mais il y a d'autres applications qui sont moins médiatiques et qui sont tout aussi importantes pour nous. Les plasmas, il y en a dans les néons, par exemple. Ce qu'on appelle les néons à tort, c'est un gaz ionisé. Tout à fait. On parle de tubes néons. Alors, en réalité, il y a longtemps qu'il n'y a plus de néons dans ces tubes-là. C'est pour des raisons historiques, il y avait du néon autrefois. On parle de tubes fluorescents, ça sert pour l'éclairage. Il y a plein d'applications en plasma, pour la microélectronique par exemple, pour faire nos microprocesseurs, c'est extrêmement important, donc on fait plein de choses par plasma. Et on va essayer de faire le tour, parce qu'effectivement c'est un sujet large. Peut-être qu'on peut commencer par un peu d'historique. Ce terme plasma, il vient d'où? Parce que quand on pense à plasma, ça décrit des choses, enfin voilà, c'est peut-être aussi l'un des problèmes de ce mot qui recouvre des différentes réalités et qui est pas très facile à appréhender. Vous avez raison, les plasmas en fait c'est assez ancien, ça date d'avant 1700, sauf que ça s'appelait pas plasma. Les gens appelaient ça des décharges luminescentes, c'était des expériences électrostatiques, c'était de la lumière, bref. Et le mot plasma est arrivé en 1927 ou 28, proposé par Irving Langmuir, physicien, qui a eu le prix Nobel de chimie. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, cet état de matière n'avait pas de nom. Donc ils ont fait une espèce de brainstorming, et un jour Langmuir est arrivé dans son labo, il a dit écoutez, on va appeler ça plasma, parce que ça me fait penser au plasma sanguin. Le plasma sanguin, c'est un milieu qui mélange les globules blancs, les globules rouges et d'autres nutriments. Et ben le plasma, c'est pareil, il mélange des ions, des électrons et d'autres espèces. Et effectivement, les chimistes et physiciens ont trouvé ça bizarre comme nom. Les médecins ont même demandé à Langmuir de retirer son papier pour changer de nom. Le nom plasma, c'est du plasma sanguin. Mais non, mais il l'a bien sûr pas accepté. Donc effectivement, c'est un nom bizarre et c'est une histoire un peu bizarre, effectivement. Oui. Lina Hadid, sur Terre, il est vrai que, alors il y a, on va le voir, des plasmas contrôlés, maîtrisés par l'industrie, mais on ne voit pas beaucoup naturellement, en tout cas, de plasmas autour de nous, ou alors dans des phénomènes très étranges ou très particuliers, par exemple les feux de Saint-Elme, qui sont des plasmas, mais c'est vrai que sur Terre, alors que c'est très courant ailleurs, ici on en voit beaucoup moins. Effectivement, en fait, sur Terre, on voit le plasma, par exemple, dans les éclairs d'orage ou bien dans la foudre, les canaux lumineux qui se forment dans le ciel. En fait, c'est des canaux constitués d'un gaz ionisé, le plasma, donc qui va conduire l'électricité. Autre que la foudre, on voit le plasma. Ou l'effet du plasma indirectement par ces magnifiques phénomènes qu'on appelle les aurores polaires. Donc c'est des aurores boréales si ça se passe dans le pôle nord, ou des aurores australes si ça passe dans le pôle sud. Et en fait, c'est des électrons énergétiques qui vont arriver à l'atmosphère et qui vont entrer en collision avec les atomes et les molécules d'air, et donc qui vont exciter ces atomes neutres. Et ces atomes, en se désexcitant, ils vont émettre de la lumière, et donc ces couleurs, les différentes couleurs qu'on observe. Autre que les aurores boréales, et beaucoup plus loin que nous, on voit les plasmas donc dans l'univers, dans les étoiles, notre étoile, le Soleil, mais aussi dans les galaxies, le vent solaire et le milieu interstellaire. Et en fait, c'est pour ça, pourquoi on dit que 99% de la matière dans l'univers, c'est du plasma. En fait, comme il y a beaucoup d'étoiles dans l'univers, les étoiles sont très massives, et donc on dit que 99% de la matière dans l'univers est constituée de plasma. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il y a 4h15. Nous parlons donc de plasma tout au long de cette heure et du plasma, ce premier état de la matière et non le quatrième, puisque même finalement en termes d'ordre, il y aurait le plasma, le gaz, le liquide et le solide. Nous en parlons avec Lina Hadid et Jérôme Pulpitel. Peut-être, Jérôme Pulpitel, vous pouvez nous expliquer ce qui définit un plasma par rapport à un gaz. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et quelle est la transition de phase qu'il peut y avoir entre les deux? Bon, vous avez raison. Alors, effectivement, un gaz est un milieu où toutes les espèces sont neutres, elles ne sont pas chargées électriquement. Pour faire un plasma, ça veut dire qu'on a arraché des électrons à une partie des molécules ou des atomes. Pas nécessairement à tous les atomes, toutes les molécules. En pratique, pour allumer un plasma, en laboratoire, la configuration la plus simple, c'est vous prenez deux électrodes, comme en électrochimie, et vous appliquez une haute tension entre deux électrodes. La tension nécessaire pour faire un plasma dépend du gaz, dépend de la pression, de plein de paramètres. Typiquement, on fait des tensions entre quelques centaines de volts à plusieurs dizaines de kilovolts. Donc, on peut aussi faire un plasma dans un four micro-ondes, par exemple. Vous regarderez, il y a plein de vidéos sur Internet pour allumer des plasmas chez soi, dans sa cuisine. Hein. Donc, oui, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez dire, en mettant un CD à l'intérieur, c'est ça? On va le décommander quand même. Ne pas recommander. Faites pas ça chez vous. Tout n'est pas recommandable, mais c'est faisable. C'est faisable. En mettant du métal dans un four à micro-ondes. En allumant simplement une allumette. Vous grattez une allumette, vous la mettez dans votre micro-ondes. Et le feu n'est pas un plasma. Il y a déjà quand même un petit peu d'ion, un peu d'électron dans votre flamme. Et le champ micro-ondes va amplifier tout ça. Il va faire un plasma qui sera magnifique. Oui, Lina a dit, non, on vous le décommande vraiment. Mais ne faites pas ça. Voilà, si vous nous écoutez, ne faites pas de plasma dans votre four à micro-ondes. C'est à vos risques et périls. Lina, oui, je voudrais juste compléter mon collègue, Jérôme Pulpitel. En fait, il y a d'autres aussi moyens pour fabriquer ou pour produire du plasma. Il y a aussi par absorption de rayonnement électromagnétique. Et un exemple d'un plasma naturel qui est formé de cette manière, c'est l'ionosphère. Oui. En fait, l'ionosphère, c'est la haute atmosphère. Et en fait, donc les rayons, en particulier les rayons ultraviolets qui vont venir sur la Terre, ils vont donc heurter les atomes et donc ils vont les exciter et donc former des ions et donc le plasma. Et juste pour rebondir en fait à la partie historique, en fait le plasma naturel, il a été découvert au début des années 1900 et en fait c'était un physicien italien, Marconi. En fait il a réussi à produire la première transmission d'ondes de radio à travers l'Atlantique. Et un an plus tard, on s'est rendu compte que on ne peut pas avoir une retransmission de cette onde si, comme la Terre elle est ronde, s'il n'y a pas une couche ionisée conductrice au-dessus de nous. Et donc 20 ans après, on a découvert que cette couche, donc elle est ionisée, c'est l'ionosphère, et donc elle est constituée de plasma en parallèle à l'expérience d'Irving Langmuir. C'est ça. Puis Marconi qui a observé justement la réflexion de ces ondes sur ce que lui appelle l'atmosphère. Mais ce qu'on définira exactement comme étant plus tard l'ionosphère, qu'on appelle ionosphère, ouais, à cause des ions CQFD. Exactement. Et en fait, dernière manière de produire le plasma, c'est par chauffage. Bien sûr. Donc, autre que l'absorption du rayonnement électromagnétique, aussi par chauffage, on peut produire du plasma. En augmentant la température, l'entropie. On en reparlera d'ailleurs pour ce qui est des réacteurs à fusion nucléaire. Et d'ailleurs, ça m'amène à cette question. On trouve des plasmas chauds, mais aussi des plasmas froids. C'est vous qui me répondez là-dessus, Lina Hadid. Quelle est la différence entre un plasma chaud et un plasma froid? Exactement. En fait, on catégorise les plasmas en deux catégories. Les plasmas chauds, c'est des plasmas où les ions et les électrons sont très très chauds. Quand on dit ça, c'est très chaud. C'est à des températures de l'ordre de millions de degrés Kelvin ou Celsius. Donc, comme exemple de plasma chaud, les plasmas astrophysiques ou les plasmas de fusion thermonucléaire. Alors les plasmas froids, ils sont pas si froids, ils sont chauds en fait, mais donc c'est des plasmas qui sont où les ions et les atomes neutres sont à des températures ambiantes et les électrons sont à des températures de l'ordre de 10 000 degrés. Donc ils sont chauds, mais par opposition à la catégorie des plasmas chauds, on les appelle plasmas froids. Et c'est des plasmas, comme l'a dit mon collègue, sont fabriqués dans les laboratoires. Mmh. Justement, Jérôme Pulpitel, une réaction à ça. En fait, comme on n'est pas de la même communauté, effectivement, en astrophysique, le plasma chaud, c'est des millions de degrés. Pour nous, en laboratoire, 10 000 degrés, c'est déjà très chaud. Hein. Et pour vous, c'est froid, donc on n'a pas les mêmes. Oui, exactement. C'est ça. Non, mais il faut comprendre qu'effectivement, ces plasmas froids sont déjà relativement chauds. On peut dire, Jérôme Pulpitel, qu'on définit les plasmas par deux caractéristiques, justement, mais qu'on vient de décrire un petit peu, mais qui sont à la fois la densité électronique et précisément bien la température ou l'énergie, puisque c'est similaire des électrons qui le composent. Et c'est ça. Et en plus, les deux sont liés parce que si vous avez beaucoup d'électrons dans le plasma, il faut savoir que ce sont les électrons qui captent l'énergie des champs électromagnétiques et qui la redistribuent aux espèces par collision. Donc plus vous avez d'électrons, plus vous allez avoir la chance d'avoir un plasma qui sera thermique, chaud. Donc les plasmas qu'on appelle froids, au contraire, ils ont très très peu d'électrons, très très peu d'ions. Et ce qui fait que finalement, globalement, les électrons n'arrivent pas à réchauffer le gaz. On peut avoir un plasma qui est très réactif chimiquement, mais dont le gaz est à température ambiante. Et ça, c'est bien si on fait pour les applications en médecine, par exemple. On a besoin, bien sûr, de plasma qui soit à température ambiante pour traiter des patients. Oui. C'est essentiel. On y reviendra dans les applications dans la deuxième partie. Un mot sur ces deux composantes, peut-être, Lina Hadid, vous voulez compléter ou non, tout a été dit. Peut-être, ce qui est intéressant, c'est de dire que, justement, sur la densité électronique, quand on prend les plasmas astrophysiques, quand on prend le milieu interstellaire, qui est de facto un plasma, mais c'est un plasma extrêmement dilué. Exactement. Donc là, on peut vraiment parler de plasma froid, parce que là, la température, si on pouvait la mesurer, si ça avait du sens de mesurer la température dans le vide, ce qui n'en a pas, mais elle est malgré tout très basse. Oui, en fait, peut-être pour compléter donc mon collègue, en fait, pour les plasmas, le spectre est très très large en fonction de la densité et de la température. Et pour donc les plasmas astrophysiques, c'est des plasmas très très dilué, non collisionnel. Et donc juste pour vous donner un exemple, pour le vent solaire, une particule qui est émise du soleil, donc le vent solaire c'est un plasma, juste pour expliquer, c'est un flux de plasma qui est éjecté du soleil en permanence, et donc une particule qui est éjectée du soleil, elle va pas faire de collision avec une autre particule avant d'arriver à la Terre. Et donc la distance donc entre le soleil et la Terre, c'est 150 millions de kilomètres. C'est ce qu'on appelle le libre parcours moyen, donc entre deux particules, c'est 150 millions de kilomètres, et donc c'est un plasma très très dilué. Très dilué, oui. Et puis, une caractéristique importante, si ce n'est essentielle, des plasmas, c'est de réussir, finalement, même dans ces plasmas très dilués, quand il arrive dans des milieux qui sont moins dilués, par exemple dans un milieu gazeux ou dans une poussière de gaz, ce sont grâce à ces plasmas, ces électrons, ces ions qui vont réussir à agréger petit à petit des grains de poussière, donc des molécules, et puis, in fine, de plus en plus gros. Oui. Oui, exactement. En fait, c'est très important ce que vous dites, parce que on le sait pas tous. En fait, il y a Hubert Reeve, l'astrophysicien, il avait dit qu'on est tous faits de poussière, d'étoiles, poussière d'étoiles, et c'est vrai en fait, parce que ces particules chargées, ce plasma, ils vont par des mécanismes très complexes, donc former des nanoparticules. Ils vont s'accumuler de plus en plus, s'agréger pour former des particules encore plus grosses, et donc former des astéroïdes, des planètes, et donc et ceci va prendre des milliards d'années. Mais c'est la trajectoire dont nous parlions mardi dernier, justement, puisque le thème de l'émission c'était les disques protoplanétaires et comment un nuage de gaz s'effondre, crée une étoile, petit à petit des planètes, et bien tout ça c'est en partie grâce à la chimie provoquée par les plasmas. Si on passe du côté laboratoire, donc Jérôme Pulpitel, vous concrètement sur les plasmas sur lesquels vous travaillez, vous les créez donc avec des champs électriques, c'est ce que vous avez dit, en modifiant peut-être la pression atmosphérique aussi? Effectivement, on a deux grands types de décharges, et décharges qu'on est capable de faire dans l'air ambiant, qui sont donc très faciles à utiliser pour plein de choses. Et des plasmas qu'on est obligé de faire dans des enceintes sous vide, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait. Donc là, les applications sont vraiment nombreuses. Hein, je ne pourrais pas en faire le tour. Je peux vous dire simplement qu'on a travaillé, par exemple, des plasmas qu'on est capable de faire à l'air ambiant. sur des problématiques de collage industriel. En fait, il s'agissait dans cette problématique de remplacer des produits chimiques qui sont dangereux hein, par un traitement plasma et simplement un plasma généré à partir d'air. En générant un plasma extrêmement simple, on peut modifier la surface des matériaux et leur conférer des propriétés qui permettent de remplacer l'effet de produits chimiques bien plus dangereux. On reviendra sur les applications tout à l'heure. J'aimerais qu'on dise un mot aussi de puisque c'est nous en avions parlé, c'est là aussi un graal du futur, création de plasma hyper chaud, alors pour le coup de plasma vraiment chaud au sens propre du terme, mais de plasma confiné dans les centrales à fusion, dans les projets que ce soit les tokamak qui sont le nom des réacteurs ou le projet que l'on connaît, le projet de collaboration internationale ITER en France. Aujourd'hui, on voit récemment et régulièrement passer dans le journal des sciences des records de temps d'allumage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont ces plasmas-là particulièrement sont générés et de la raison pour laquelle il y a une telle complexité à réussir à maintenir aussi longtemps ces plasmas en fusion ? Alors, bon, malheureusement, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais les grandes lignes, les grands principes. Disons qu'on est obligé, effectivement, ces plasmas-là sont tellement chauds qu'on est obligé de les confiner par des champs magnétiques. Ce qui pose beaucoup de problèmes parce qu'en plus, ces plasmas produisent des espèces qui n'ont pas de charge électrique, produisent des neutrons. Les neutrons ne sont pas arrêtés par le champ magnétique. Et on a aussi des problèmes d'endommagement des matériaux. Ça, on sait que c'est un problème, on n'en parle pas trop. Mais il faudra faire attention, surtout si les centrales doivent fonctionner pendant des décennies comme nos centrales nucléaires. La durabilité des matériaux sera effectivement un problème. Oui. Lina Hadid, sur cette question des... Oui, en fait, je voulais juste rajouter pourquoi peut-être donc pourquoi on utilise le champ magnétique pour confiner le plasma dans les tokamaks. En fait, là, on va utiliser une propriété de base donc de ces particules chargées qui est donc leur trajectoire qui est une trajectoire en hélice autour du champ magnétique et l'écartement de ces particules chargées aux lignes de champ magnétique qu'on appelle le rayon de giration dépend de la masse, de l'énergie cinétique et de l'intensité du champ magnétique. Et donc, plus ce champ magnétique est intense, plus ces particules vont être entre guillemets collées aux lignes de champ. Donc, c'est pour ça qu'on utilise du champ magnétique très très intense pour confiner le plasma à l'intérieur de ces dispositifs qu'on appelle les tokamaks. On avait là aussi consacré une émission et plusieurs émissions, mais assez récemment une émission entière à ces réacteurs à fusion qui sont une technologie extrêmement, extrêmement complexe, extrêmement fine, puisque pour refroidir les bobines qui génèrent du champ magnétique, il faut être à des températures proches du zéro absolu, alors que de l'autre côté, on est à des millions et des millions de degrés. Voilà, on ne va pas refaire cette émission aujourd'hui. On va en revanche vous remettre les liens sur notre fil Twitter si vous avez le souhait de les réécouter. On va passer dans quelques instants, puisque là c'est ce que nous voulions poser pour commencer, pour parler de manière un peu théorique des plasmas. Peut-être ajouter oui, quelque chose qu'on aurait oublié de dire, Jérôme Pulpitel, ou que vous voudriez préciser sur les plasmas, parce que à l'intérieur on a parlé des gaz ionisés, on a parlé des différentes molécules, il y a parfois des fragments de molécules aussi. Oui, tout à fait. En fait, les plasmas produisent des espèces excitées, des espèces radicalaires, des radicaux, donc des fragments de molécules. Les plasmas produisent aussi des photons. Donc tout ça, c'est un milieu qui est très riche et très complexe à étudier, mais c'est ce qui fait aussi les propriétés de ce milieu particulier. Mais justement, ces propriétés, on va voir dans quelques instants comment les exploiter, quelles sont les applications assez nombreuses, et puis on verra aussi ce que l'on peut en tirer en termes de recherche fondamentale. Vous verrez qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de recherches tout à fait passionnantes de pointe sur les plasmas. Ce sera tout de suite après ça. Restez avec nous. District mer. Depuis j'ai oublié laquelle, sous le soleil exactement, pas à côté, à n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous. Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert, était-ce sur un archipel sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant si c'était réel, sous à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Voilà, la voix d'Anna Karina, 16h30 sur France Culture, sous le soleil exactement, sous ce plasma de fusion thermonucléaire. Si on voulait enlever une partie un peu plus poétique pour être une description plus terre à terre, nous parlons donc des plasmas tout au long de cette heure en compagnie de Lina Hadid, qui est chercheuse CNRS au laboratoire de la physique des plasmas de Sorbonne Université et de l'Institut Polytechnique de Paris et de l'Université Paris-Saclay, et Jérôme Pulpitel, maître de conférence en génie des procédés au laboratoire LISE à Sorbonne Université et au CNRS. Dans les plasmas, eh bien, émis précisément par notre Soleil exactement et par les étoiles, il y a ce qu'évoquait tout à l'heure Lina Hadid, à savoir le vent solaire, qui est donc un gaz ionisé. Or, pour étudier ce type de plasma, il faut des instruments adaptés. C'est précisément ce que développe le laboratoire de physique des plasmas à Sorbonne Université. Et c'est là que vous êtes rendu pour le reportage du jour. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, oui, j'ai retrouvé dans ce laboratoire Mathieu Berthomier, qui est un spécialiste des plasmas issus des éruptions solaires. Il travaille en ce moment sur la réalisation d'un détecteur pour une prochaine mission qui devra pouvoir mesurer comment le vent solaire interagit avec le milieu interplanétaire. Il m'a amené en salle blanche où il teste une caméra plasma en conditions spatiales, c'est-à-dire en reproduisant les contraintes liées à la température ou la pression par exemple. Le challenge pour cet instrument est d'arriver pour la première fois à caractériser le plasma dans les trois directions de l'espace et à l'échelle de la milliseconde. Voilà, donc on est au laboratoire physique des plasmas à Sorbonne Université, qui est aussi un laboratoire de l'École Polytechnique. Et ça, ce sont des spectromètres plasma. Donc on mesure l'énergie des particules, et puis on mesure leur direction d'arrivée. Et avec ça, on comprend comment le milieu interplanétaire, comment le Soleil, qui émet un vent de particules, le vent solaire, va interagir avec notre environnement beaucoup plus proche. Alors pour se mettre en condition, premièrement, on doit protéger nos détecteurs qui sont très sensibles aux contaminations, c'est pour ça qu'on a une salle blanche, et tout d'abord les tester sous ultravide. Parce que l'espace, en fait, c'est un l'espace interplanétaire est constitué d'un plasma, mais un plasma extrêmement dilué. Et donc pour recréer ce plasma très dilué, on a des cuves à vide qui vont nous permettre de tester nos instruments. Allons-y. Alors là, il y a le petit rifle. Donc... Une machine pour nous décontaminer. Alors, les choses. Pour rentrer dans une salle blanche, déjà, on doit se vêtir et enlever toutes les poussières qui peuvent s'être posées sur nos chaussures avec une tenue adéquate. nous rentrons maintenant dans la salle d'intégration des instruments de nos spectromètres plasma. Donc typiquement, on va être capable, c'est l'objectif, de mesurer en fait le plasma, de caractériser le plasma à l'échelle de la milliseconde, là où les expériences précédentes avaient besoin de plusieurs dizaines de millisecondes, voire de plusieurs secondes. Alors j'ouvre maintenant la cuve à vide dans laquelle sont stockés... Ah oui, stockés... là vous retirez le couvercle entre guillemets. Voilà, nous ouvrons la porte de la cuve à vide. Et à l'intérieur de cette cuve à vide, qui est assez grande, elle fait 1,60 m de diamètre, c'est un grand volume, c'est une grande cuve à vide, et nous voyons en fait notre caméra plasma qui est en test actuellement. Alors, ah oui, c'est... Alors ce qu'on observe... Elle est suspendue. Elle est suspendue. En fait, la façon dont on teste un spectromètre plasma, c'est qu'on envoie un faisceau de particules qui est créé, on appelle ça une source d'électrons, une source d'ions, dans le vide. Et ce faisceau va être dirigé vers l'entrée de notre instrument. Alors évidemment, comme notre instrument a une vue très large, à trois dimensions, il a en fait jusqu'à 256 fenêtres d'entrée, et donc il va falloir être capable de tourner l'instrument dans toutes les positions possibles pour pouvoir l'orienter de manière très variée par rapport à la source. Et donc ce qu'on voit, c'est l'ensemble de ces rotations qui sont capables de soulever des masses très importantes, de mettre en mouvement des masses très importantes. Et ces rotations, en fait, elles sont pilotées. Donc en fait, on les pilote avec un système de commandes. Donc à côté de notre cuve à vide se trouve un ensemble, un mur d'instruments et d'ordinateurs qui va permettre de piloter le mouvement de l'instrument par rapport à la source. Alors en fait, de manière automatisée, on va bouger l'instrument, on contrôle le faisceau de particules, ici le faisceau d'électrons à l'entrée, et on observe sur chacun des pixels de notre instrument la réponse de l'instrument à ce flux. Et donc on va caractériser complètement, on va calibrer l'instrument pour savoir quelle est sa réponse à un flux donné. Et on va ainsi reconstruire l'ensemble de l'information sur notre plasma, les multiples fenêtres fournissant les différentes directions d'arrivée et les multiples énergies d'analyse nous donnant la troisième dimension qui caractérise complètement le plasma. Alors vous voyez ici que ce détecteur, il est en or. Et puis vous avez des grilles extrêmement fines qui laissent passer les particules vers l'intérieur du détecteur. Alors une autre spécificité de cet instrument, c'est qu'il est complètement imprimé en 3D. On a un design où on imprime en un seul bloc, grâce à une technologie de stéréolithographie, l'objet, l'optique, et ensuite on applique des traitements de surface, on métallise ce polymère qui n'est pas conducteur, on le métallise, et ça va lui donner cette capacité à défléchir les particules chargées vers le détecteur. Et puis vous voyez qu'on fait des tests assez complets dans ce caisson. On a donc une source d'électrons qui fonctionne sur le principe de la photocathode, c'est-à-dire qu'on a une lumière UV qui éclaire un dépôt d'or qui va émettre des électrons, et ce sont ces électrons qui éclairent notre instrument. On a aussi une source d'ions, parce que l'idée c'est que ce type d'instrument peut fonctionner aussi bien en électrons qu'en ions, et ça c'est quelque chose qui est complété par des mesures aussi en ambiance spatiale. Donc ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit tester que notre instrument ne va pas être contaminé par les UV du soleil. Donc vous avez ici, au bout de cette tige en cuivre, qui va bien conduire la chaleur, une lampe UV qui en fait envoie une raie dans l'extrême UV, la raie Lyman alpha à 120 nanomètres, une des raies la plus importante du soleil, qui va l'envoyer vers notre instrument. Et nous avons pris des mesures pour qu'au sein de l'instrument, cette lumière UV soit supprimée. On dirait presque de l'art contemporain avec ces pièces en or et cuivré suspendues dans des géométries un peu complexes. Oui, alors effectivement, il y a un côté artistique. Et c'est vrai que lorsque on se dit qu'on a trouvé une bonne idée, l'intuition joue un rôle. Elle joue un rôle. Il faut de la persévérance, il faut de la technologie, mais il faut avoir la conviction que ça va marcher. Et ça, c'est parce qu'on a l'intuition que ce qu'on fait, quelque part, correspond à quelque chose de beau, de naturel, de logique. L'esthétique guide aussi la réflexion. Et l'esthétique peut guider un peu la réflexion. Maintenant, entre l'esthétique et la démonstration, eh bien, il y a des années et des années de recherche pour arriver à résoudre des problèmes complexes. Voilà le reportage du jour avec Mathieu Berthomier sur la conception d'une caméra à plasma solaire. Évidemment, je suis curieux d'entendre vos réactions à l'un et à l'autre, Lina Hadid. Oui, je suis. Ça m'a fait plaisir d'entendre en tout cas mon collègue, Mathieu Berthomier. Oui, effectivement, en fait, au laboratoire de physique des plasmas, on développe des instruments, comme ce qu'a dit donc mon collègue Mathieu, pour donc des détecteurs de particules, mais aussi des détecteurs de champs magnétiques. Et en fait, avant de parler de ça, donc pour étudier le plasma, il y a différentes approches. Donc il y a une approche expérimentale. Donc on va faire une expérience pour observer le plasma, son comportement. On peut faire ça en laboratoire, mais aussi on peut faire ça dans l'espace. Mmh. Et en fait, on dit que le vent solaire, mais aussi tout le système solaire, c'est un excellent laboratoire pour étudier les plasmas naturels. Et donc pour ça, on va envoyer des satellites. On va développer des missions spatiales à bord desquelles on va embarquer différents types d'instruments assez complémentaires pour mesurer et étudier le comportement du plasma. Donc on va mettre ou bien des détecteurs de particules, comme l'a dit mon collègue Mathieu Berthomier, ou bien aussi des détecteurs de champs magnétiques. Comme je disais, au laboratoire de physique des plasmas, on développe aussi des détecteurs de champs magnétiques qu'on appelle de type fluxgate ou surge coil, qui vont mesurer les fluctuations du champ magnétique à très haute fréquence. Et donc, en fait, en étudiant ces interactions entre les particules et les champs magnétiques, on va pouvoir comprendre des phénomènes. On va pouvoir comprendre le chauffage du plasma ou comment ces particules interagissent avec les unes avec les autres. Les unes avec les autres. Et aussi, on va avoir des antennes électriques pour mesurer le champ électrique et d'autres types d'instruments de télédétection à distance. Ça, c'est voilà votre regard, peut-être Jérôme Pulpitel aussi, votre regard sur ce type d'instrumentation ou sur ce type d'études appliquées à au plasma astrophysique en l'occurrence. Qu'on soit au niveau astrophysique ou en laboratoire, on a besoin d'étudier les plasmas avec des différents outils pour apporter la compréhension des phénomènes et des différents mécanismes qui sont mis en jeu. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est on analyse la lumière émise par les plasmas, donc les photons, ces caractéristiques à la fois de l'espèce chimique, mais aussi de la température du plasma. Donc ça donne plein d'informations. Et donc c'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre et maîtriser cet état de la matière. Alors justement, si on passe maintenant aux différentes applications et aux différentes études, vous l'évoquiez tout à l'heure, Jérôme Pulpitel, beaucoup de plasmas employés notamment en informatique pour construire, pour graver les composants. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est-ce que concrètement on maîtrise cet état si particulier de la matière et à quel but précis, avec quelles applications en fin de ligne? Bon, bah, je peux commencer par vous dire par exemple que pour traiter l'eau du robinet, on utilise souvent de l'ozone. Et l'ozone est produit depuis 1857 par plasma. C'est Siemens qui a découvert ce phénomène, qu'une décharge électrique dans l'air produisait de l'ozone. Alors évidemment, maintenant, les dispositifs sont plus évolués, mais le principe est là. L'ozone est produit par plasma. Pour les microprocesseurs, en fait, pour faire un beau microprocesseur, il faut pouvoir graver du silicium, c'est-à-dire faire des belles tranchées. Et une belle tranchée, c'est une tranchée qui est profonde, qui est plutôt étroite et des parois bien verticales. Eh bien, il n'y a que les plasmas qui peuvent faire ça. Les gravures chimiques qu'on faisait autrefois avec des acides, le problème, c'est que c'est des gravures qui sont dites isotropes, c'est-à-dire qu'elles gravent à la fois le fond de la tranchée et vont creuser les parois. Ça, c'est pas bon du tout. Au contraire, avec les plasmas, on exploite une synergie entre les ions et les radicaux du plasma qui permettent d'avoir cette gravure vraiment anisotrope, bien, et faire des parois bien verticales. Et ça, bien sûr, ça a demandé des années de réglages et d'études. Hein. C'est énormément de moyens ce qui s'est passé dans les microélectroniques. Et c'est un peu ça, la microélectronique, c'est un peu ça qui a tiré aussi l'industrie des plasmas pendant un moment, grâce à la microélectronique. Parce que ces plasmas, c'est ce qui participait notamment à la miniaturisation, à la réduction des tailles, à la précision dans la gravure. Tout à fait. S'il n'y avait pas de plasma, bah aujourd'hui, on n'aurait pas notre technologie. On serait encore avec nos vieux coucous des années 80, sans doute, je pense. Oui, Lida. Non, ouais, j'allais dire que les puces électroniques dans nos téléphones portables ont été gravées avec des réacteurs à plasma. Donc, il y a beaucoup d'exemples ça, qu'on pourrait citer. Voilà, les écrans de télévision. Les écrans plasma. Justement. Non, mais justement, oui. On va chercher loin parfois, c'est juste là. Non, mais justement, un écran plasma, quelle est la technologie qui est derrière? C'est-à-dire, quels sont les plasmas qui sont utilisés dans les écrans à plasma? Les écrans à plasma, je ne suis pas un expert de la question, mais on a des microélectrodes, des réseaux de microélectrodes, et qui fait que lorsqu'on applique une tension à ces microélectrodes, on génère un plasma à cet endroit-là, ce qui fait produire un pixel. Et voilà, en gros, le principe, pour faire très simple. Après, aujourd'hui, honnêtement, les écrans plasma, quand même, c'est pas les plus répandus. C'est plutôt les écrans LED. C'est les écrans LED maintenant. Certes. On rappelle que le premier contact que vous avez peut-être eu enfant avec un plasma, en vous disant, parce que c'est toujours assez magique, c'est le superbe motif que vous avez sur votre t-shirt à Jérôme Pulbier, qui sont ces boules que vous avez certainement vues dans différents types d'enseignes, où quand vous collez la main, eh bien, il y a des très électrique qui parle, oui. Des boules en verre avec un centre que vous pouvez déplacer en touchant la main, puisque les fils électriques sont attirés par la conduction de votre organisme, et c'est parce que à l'intérieur c'est un gaz ionisé. Voilà. C'est ça, on appelle ça des boules plasma ou des lampes plasma. C'est décoratif, hein. Et c'est aussi récréatif. On peut faire plein de choses. Et vous savez que si on vous approchez de cette boule plasma, un tube à néon, il va s'allumer. Et ça, c'est Nikola Tesla qui a fait ça en premier. Nikola Tesla, que tout le monde connaît, Tesla. Et c'est lui qui a fait découvert ce phénomène-là en premier. Il y a aussi, cette fois-ci, plutôt à mi-chemin entre l'industrie et l'astrophysique, des moteurs à plasma. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment fonctionnent des moteurs à plasma, Jérôme Pulpitel? On en voit souvent, notamment les films de science-fiction, hein, ces grands réacteurs bleutés à l'arrière des vaisseaux spatiaux gigantesques sont des figurations de moteurs à plasma. Mais néanmoins, c'est un domaine de la recherche tout à fait actif et qui peut se proposer de remplacer ou de substituer à des moteurs ergol ou à des moteurs ioniques. Oui, tout à fait. Les moteurs qu'on connaît tous, ce sont les moteurs chimiques. Bon, et le principe d'un moteur, c'est d'exercer une poussée qui permet de propulser un engin. Alors, l'avantage, je dirais, des moteurs plasma, c'est de pouvoir pousser longtemps. La poussée n'est pas forcément forte, mais on va pouvoir pousser longtemps. C'est très bien pour se déplacer dans l'espace, où les voyages sont longs dans l'espace. Et par exemple, pour aller sur Mars, parce que on en parle beaucoup, on estime le voyage en des conditions favorables à 250-300 jours, mais avec des moteurs plasma, on pourrait, en théorie, d'après des travaux qui ont été publiés, on pourrait atteindre Mars en 40 jours. Donc c'est un voyage beaucoup plus court, mais il y a plein de contraintes derrière. En fait, les dispositifs n'existent pas encore pour pouvoir faire ça. C'est des calculs, mais ce serait possible. Donc il y a effectivement un gros potentiel pour la conquête spatiale, oui. Un mot sur ce qui bloque Lina Hadid, ou sur ce fantasme du moteur à plasma qui permettrait effectivement de raccourcir et puis qui serait aussi beaucoup plus économe, puisqu'avec moins besoin d'embarquer des carburants chimiques. Oui, en fait, je voulais juste parler juste un peu en gros du principe, juste pour faire court. En fait, c'est donc le plasma, il va être éjecté, il va éjecter des ions à très très grande vitesse, et donc ça va créer une poussée. Et donc qui va propulser. Qui va créer une poussée qui va donc permettre de déplacer les engins spatiaux. Et en fait, comme l'a dit mon collègue, les moteurs à plasma ne sont pas plus puissants que les moteurs chimiques, mais en fait ils vont permettre d'avoir des poussées plus longtemps, en fait. Et donc, en fin de compte, c'est la durée de ces poussées qui compte, et ça va permettre de raccourcir le voyage des navettes spatiales. Parce que quand on est dans le milieu spatial, c'est-à-dire dans le vide spatial, plus on pousse longtemps, plus on accélère la vitesse, et comme il n'y a pas de frottement pour freiner, eh bien on va de plus en plus vite, et de plus en plus vite rapidement. Pour revenir encore, avant de passer à la recherche fondamentale, Jérôme Pulpitel, aux applications, pas mal d'applications médicales, biomédicales. Vous parliez de la stérilisation des surfaces, on parle aussi d'utilisation des plasmas pour cicatriser des plaies, pour coaguler du sang. Eh oui. C'est-à-dire comment ça marche, avec quel type d'outils et quel type d'applications concrètes? Alors déjà, coaguler du sang, c'est relativement ancien, puisque moi j'ai subi ça quand j'étais jeune, une cautérisation, hein, on appelait ça. À l'époque, c'était l'effet thermique du plasma. Ça, on savait déjà faire. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a des plasmas, on sait faire des plasmas qui sont vraiment froids, donc à température ambiante et tout en ayant une réactivité chimique. Ces plasmas, on a commencé à les faire pour étudier, pour stériliser des surfaces. On s'est rendu compte que ça tuait les bactéries. Si c'est une bactérie, ça peut tuer une cellule. Alors on s'est dit, peut-être ça peut tuer des cellules cancéreuses. Mais idéalement, que les cellules cancéreuses, pas les cellules saines. Pas celles d'à côté, oui. On a de la chance, il se trouve que les cellules cancéreuses sont plus sensibles aux effets du plasma que les cellules saines. Alors pourquoi ? Je ne suis pas expert dans la question, mais ce serait lié en fait au stress oxydant. Les plasmas, par leur réactivité chimique, produisent des espèces qui génèrent du stress oxydant dans les cellules. Et ce stress, les cellules cancéreuses les supporteraient moins bien que les cellules saines. Mmh. Bon, bien sûr, je parle, voilà, je suis pas expert de cette question-là. Et donc, on a un énorme potentiel en médecine par plasma. Et c'est une discipline qui est très jeune. Hein. Là, je parle de traitement de cancer par plasma. Regardez ce qu'on fait en radiothérapie. La curithérapie, ça a commencé en 1901. Mmh. Ça fait 120 ans qu'on fait de la radiothérapie. Bien sûr, on a changé de méthode. Mais sur le principe, c'est ça. Donc, on a gagné en précision. Voilà, on a peut-être sur ces questions-là encore domaine de la recherche et des techniques. Mais c'est très prometteur. On va passer justement, pour conclure cette émission, aux deux études qui vous paraître un peu absconses, dont on parlait au tout début, si vous le voulez bien. Alors, il y a un autre plasma qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même un plasma passionnant, qui est à la frontière entre la recherche fondamentale et l'astrophysique, c'est le plasma de quark-gluon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lina Hadid, de quoi il retourne et en quoi il est différent de tous les plasmas qu'on vient de parler pendant ces premières 50 minutes d'émission ? Alors honnêtement, je ne suis pas spécialiste des plasmas de gluon et des quarks, mais j'imagine que c'est la partie donc quantique des plasmas. Et donc là, on va être aux échelles vraiment extrêmement petites, à l'opposé des échelles astrophysiques. Et donc, on va essayer c'est juste pour dire qu'en fait, le plasma existe vraiment à toutes les échelles. L'idée, c'est qu'on suppose que ce plasma quark-gluon est en fait l'état initial dans les tout premiers instants de l'univers. À un moment donné, on est niveau de densité et de chaleur absolument folle, et où donc ce ne sont pas seulement les atomes ou les électrons ou les molécules qui sont dans séparés, mais ce sont les composants fondamentaux de la matière, à savoir les quarks, les gluons qui composent les noyaux atomiques, les noyaux des protons et des neutrons, qui sont répandus, c'est ça. Enfin, si vous me corrigez, qui sont dissociés, donc qui sont indépendants les uns des autres, et non pas associés en particules, Jérôme Pulpital. Oui, c'est ça. Enfin, nous, en tout cas, en plasma de laboratoire, on ne touche surtout pas aux noyaux. On ne peut pas y toucher de toute façon. Mais là, effectivement, ces plasmas-là signifient qu'on a cassé les noyaux, qu'on a même cassé les protons, si on arrive à faire des quarks et des neutrons. Et quels sont les autres débouchés aujourd'hui qu'il y a et que l'on verrait dans la recherche dans les semaines ou les voies à venir ? Sur quoi vous travaillez en ce moment, Lina Hadid ? Alors en ce moment, en fait, je suis impliquée avec mes collègues au laboratoire aussi dans différentes missions spatiales. Donc il y a des missions qui sont donc focalisées sur la physique solaire, comme les missions récentes de la NASA, Parker Solar Probe, qui a été lancée en août 2018, pour étudier cette sonde va toucher entre guillemets le Soleil, va rentrer dans la couronne solaire pour étudier en détail notre étoile et les processus de chauffage de sa couronne solaire. Il y a une autre mission aussi solaire, c'est la mission Solar Orbiter. Mm-hmm. C'est une mission de l'Agence spatiale européenne en collaboration avec la NASA qui va aussi étudier en détail le Soleil, mais ça ne va pas s'approcher autant que Parker Solar Probe, mais elle va observer les zones polaires du Soleil qui n'ont jamais été observées avant, et donc étudier comment notre étoile affecte aussi notre système solaire, comment son champ magnétique aussi affecte son système solaire. Alors, autre que les missions spatiales solaires, il y a aussi des missions planétaires. Donc, il y a la mission BepiColombo, dans laquelle on est impliqué aussi. Et donc, c'est une mission qui a été lancée en octobre 2018. Et c'est pour explorer la planète Mercure. Et donc, maintenant, elle est en cours de phase de croisière. Et donc, elle va être insérée en orbite en 2025. Donc, il faut être patient jusqu'à 2025 pour pouvoir mesurer et avoir les premières données à Mercure. Et donc, pour cela, en fait, on a fourni un spectromètre de masse qui va nous permettre donc de mesurer la composition ionique de l'environnement de Mercure et aussi un flux gate, donc magnétomètre, pour mesurer le champ magnétique à haute fréquence. Et bien sûr, il y a d'autres missions. Là, je vous ai parlé de quelques missions. Celles qui sont déjà parties. Oui, et donc autour de la Terre, qu'on va étudier en détail, la magnétosphère, donc la bulle magnétique qui entoure notre Terre et les processus, différents processus physiques aux petites échelles et à grandes échelles. Dans lequel le plasma y gouverne. Et Parker Solar Probe est toujours en route. On a eu, je crois, me souvenir qu'on a eu des premières images d'ailleurs. Oui, exactement. En fait, il y a déjà eu des résultats, beaucoup de résultats très proches du Soleil. Et en fait, on a par exemple on a découvert que le champ magnétique très proche du Soleil, c'est pas un champ magnétique radial, c'est pas une ligne droite, mais plutôt il y a des boucles. Des boucles, et il est plutôt enlacé. Mmh. Et donc on a étudié ces enlacements du champ magnétique très proche du Soleil. Et en fait, en 2025, Parker Solar Probe va s'approcher jusqu'à 7 millions de kilomètres du Soleil, et ça va être pour la première fois qu'on va être si proche du Soleil et l'observer de si près. Et pour conclure vos travaux, Jérôme Pulpitel, concrètement, sur quelles sont les phases du plasma que vous étudiez, dans quel sens sont-ils tournés ? Bien, actuellement, on s'intéresse aux interactions qu'il peut y avoir entre un plasma et un liquide, c'est-à-dire qu'on génère des décharges plasma à la surface d'un liquide, on peut le faire aussi à l'intérieur d'un liquide. Et nous, on est intéressé à faire ces décharges-là pour produire de l'hydrogène d'une manière peut-être plus efficace qu'actuellement. Actuellement, on a un problème, c'est qu'on parle beaucoup d'hydrogène. Bien sûr. Mais l'hydrogène vert, ça coûte cher. Mais l'hydrogène comme ressource, comme carburant. C'est ça. Enfin, voilà. C'est ça. Bien sûr. Et donc là, on travaille sur ces problématiques-là. Comment faire de l'hydrogène, comment valoriser la biomasse sur ce genre d'études-là, on travaille en plasma. Et donc, comment le plasma, concrètement, peut permettre de produire de l'hydrogène? C'est toujours à partir de l'eau ou... Alors, effectivement, nous, on travaille plutôt sur la biomasse, donc à partir plutôt de molécules sur la biomasse, comme les alcools, par exemple. D'accord. Qu'on peut produire de l'hydrogène. L'idée, c'est de ne pas faire de CO2, évidemment, et de pouvoir valoriser éventuellement le contenu carboné des molécules sous d'autres formes chimiques. D'accord. Donc, c'est des sortes, vous utilisez le plasma pour faire des sortes de ciseaux moléculaires. C'est ça, ouais. Vous récupérez d'hydrogène d'un côté, d'autres composants organiques. C'est entre guillemets taper gentiment sur les molécules pour qu'elles cèdent leur hydrogène, mais c'est sans ça. Faire des produits qu'on n'a pas envie de voir. C'est ça. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci d'être venus nous parler de vos travaux et de ce premier. Donc, on va arrêter de parler du quatrième état de la matière. On va parler du premier état de la matière qui est le plasma. Merci. Merci Jérôme Pulpitel. Merci Lina Adi, merci à toutes les équipes de la méthode scientifique, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucher, Olivier Bétard à la réalisation. C'était Dalia aujourd'hui à la technique, et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr pour la réécoute à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.